Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. L'Afrique est le berceau de l'humanité, mais ce berceau est-il bien connu? Le 29 janvier 1886, le Courrier de l'Art, un journal, une revue, annonce l'ouverture d'un musée à Rome, un musée préhistorique ethnographique. Il est formé des collections récoltées à Zanzibar par le capitaine Chichi. Nous y apprenons que la valeur scientifique de cette collection est considérable. Le musée préhistorique, qui jusqu'à présent ne possédait aucun des objets des tribus de l'intérieur de l'Afrique équatoriale, compte aujourd'hui des produits de plus de 30 tribus. Nous étions en 1886. Voilà, le musée ethnographique et préhistorique romain s'intéresse à l'Afrique, l'Afrique riche de ses trésors préhistoriques. Geoffroy Emlich, bonjour. Bonjour. Nous parlons beaucoup, dès qu'il est question d'art pariétal, sur les parois des grottes, de toutes ces représentations, eh bien de ce que nous connaissons très bien, Lascaux, la grotte Chauvet. L'Afrique est connue aussi par ses trésors au Sahara, mais il y a toute une Afrique à explorer. C'est ce qui se passe actuellement. Il y a des recherches, et elles sont passionnantes, sur toute l'Afrique centrale, notamment avec un art pariétal absolument magnifique. Justement, après, c'est vrai que quand on pense à art rupestre ou art préhistorique, on s'imagine directement les fabuleuses grottes de Lascaux, d'Altamira en Espagne ou maintenant de Chauvet. Et finalement, quand on regarde de plus près l'Afrique, on se rend compte que des sites rupestres, il y en a partout en fait. On en trouve dans des abris, au pied des falaises, le long des cours d'eau, dans les grottes, dans l'obscurité la plus totale. Et c'est une recherche qui est extrêmement fascinante. Et les premières, les peintures naturalistes figuratives les plus anciennes remontent déjà à 30 000 ans. C'est énorme. Vous avez dirigé, Geoffroy Emlich, un ouvrage collectif, Art rupestre et patrimoine mondial en Afrique subsaharienne, aux éditions Hémisphère, avec cette question effectivement qui se pose du regard. Vous venez de nous le dire, en fait, il suffisait d'ouvrir les yeux pour le voir. Pendant longtemps, cet art n'avait pas été vu. Oui, et je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela, parce que du coup, comme vous le disiez, on connaît en Afrique surtout la rupestre du Sahara ou d'Afrique australe, parce que c'est un art finalement qui est très figuratif. On y trouve toute la grande faune africaine. Et finalement, quand on regarde de plus près ces arts rupestres d'Afrique centrale, on se rend compte que c'est très mal connu, c'est très peu étudié. Et du coup, l'idée de mes recherches est partie de là, c'était de se dire, mince alors, il y a forcément quelque chose, quoi. Et c'est finalement en creusant un peu qu'on se rend compte que c'est aussi une région complètement fascinante. Mais je pense qu'une des raisons à cela, c'est que c'est un art qui est essentiellement non figuratif. Donc on est vraiment dans des formes géométriques, avec des personnages ou des animaux, mais qui restent très abstraits, à la différence de par exemple, des arts rupestres du Sahara, d'Afrique australe. Et donc du coup, c'est un peu plus compliqué d'émettre des hypothèses, d'avoir un peu de mettre du sens dans tout ça. Dans le sens mis sur ces représentations, c'est vrai que très souvent pour l'Afrique, ce sont des représentations qui nous interpellent liées à la chronologie climatique. Et pour le Sahara, c'est le cas. Eh bien souvent, l'analyse se limite à dire, en tout cas pour un grand public, c'est étonnant, avant le Sahara était une immense forêt. Aujourd'hui, les analyses vont beaucoup plus loin avec cette idée de cette grande hétérogénéité de localisation dans toute l'Afrique, énormément de foisonnement, et puis aussi une homogénéité. Il y a des rapports culturels évidents dans toute l'Afrique. Oui, effectivement. Et c'est vrai que un autre fait, c'est que dater la rupestre, c'est extrêmement compliqué. Et c'est vrai que finalement, les images rupestres ont plus servi de belles illustrations à des beaux livres, finalement. Et on se rend compte que c'est un objet, un vestige archéologique parmi tant d'autres et qu'on doit l'étudier comme tel finalement. Et essentiel. Essentiel. Et ce qui est aussi fascinant, c'est qu'on parle ici de préhistoire, mais il y a aussi des périodes historiques et contemporaines aussi. Donc c'est des sites qui font toujours aussi sens pour les gens qui habitent dans la plupart des cas. Et c'est fascinant parce que du coup, c'est une recherche qui est vraiment la croisée entre l'archéologie, la préhistoire, mais aussi l'histoire, l'ethnographie. Et donc du coup, c'est ça qui est passionnant. Et qui nous passionne, hein, clairement. Je voudrais vous faire écouter un son intéressant. C'est celui de l'abbé Breuil. Alors, l'abbé Breuil, toute la semaine et sur toute la série que le cours de l'histoire a consacré à la préhistoire, cet abbé a été cité plusieurs fois, préhistorien du XXe siècle. Écoutez ce que disait l'abbé Breuil quand il réfléchissait à l'apparition de l'art. Il faut, pour que les cavernes ornées existent, qu'il y ait des cavernes. Inutile d'en chercher dans les régions de plaine. Ni dans les régions granitiques, par exemple. Donc, il faut des pays calcaires. Et non. Secondement, il faut un pays qui ait été giboyeux toute l'année. Où la grande faune n'ait pu se développer d'une façon convenable et qui ait prêté aux hommes de la même époque des sites susceptibles de transformer en abris plus ou moins permanents. Parce que je crois que selon vous, la notion d'art est liée à celle de chasse. À celle de chasse, oui, parfaitement. Les peuples de même race qui se livraient à la pêche des poissons ou à la cueillette des coquillages n'ont pas été artistes. Pour quelle raison, monsieur l'abbé ? Et parce que leur imagination n'avait pas accumulé toutes les images, tous les films intérieur, si je puis dire, que l'expérience de la grande chasse donnait. L'abbé Breuil, qui s'exprimait sur la préhistoire principalement européenne, nous étions en 1952, Geoffroy Heimlich. Alors bien sûr, les choses sont datées, mais enfin, cette mise en relation entre la chasse, l'imaginaire lié à la chasse, et puis l'art, est quelque chose qui peut s'appliquer à l'Afrique. Sans évoquer uniquement la chasse, nous pouvons parler de la faune, de l'environnement. Après, ça peut être une signification parmi tant d'autres, quoi. Et ce que vous disiez aussi en début d'émission, c'est qu'on est là face à un monde avec... Il y a tellement de possibles, de significations, de contextes différents que c'est vrai, à une époque, on avait cette tendance à apporter à la rupestre une sorte d'interprétation un peu monolithique comme ça. Et dernièrement, ça a pu être le chamanisme, ou ça peut être aussi des interprétations calendaires, astrales. Mais dans le cas, par exemple, des arts rupestres en Afrique subsaharienne, en Afrique centrale, on est face à des motifs géométriques. Donc après, on peut tout dire, quoi. C'est les signes les plus simples, etc. Donc on peut tout y mettre, si on veut. Et c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Dans le cours de l'histoire aujourd'hui sur France Culture, des nouvelles de la préhistoire, mais pas que de la préhistoire. Il était une fouille, l'art rupestre en Afrique, cette Afrique passionnante qui a encore des trésors à nous livrer. Alors, il serait difficile d'en faire le catalogue, mais avec nous aujourd'hui, Camille Bourdier, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en art préhistorique à l'université Jean Jaurès de Toulouse. Camille Bourdier, quel est votre champ d'investigation? Où travaillez-vous? Nous travaillons, je dis nous, pas parce que je parle de moi à la première personne du pluriel, parce que je parle de moi en tant qu'équipe, donc responsable d'une équipe de recherche. Donc nous travaillons dans le sud-ouest du Zimbabwe, dans le massif qui s'appelle les Matobo, qui est un paysage de collines granitiques, pour rebondir sur les termes de l'abbé Breuil, absolument merveilleux, et qui est l'un des plus importants foyers d'art rupestre de chasseurs-collecteurs préhistoriques du continent africain. Donc on n'est pas tout à fait ni sur les mêmes périodes, ni sur les mêmes types de populations que ceux sur lesquels travaille Geoffroy. Voilà, c'est aussi très complémentaire, parce que vous, si nous voulions parler de datation, vous pouvez nous donner une fourchette chronologique, Camille Bourdier ? Eh ben voilà, vous commencez par me poser une colle. La première question était bien, la deuxième est nettement plus complexe. Donc, comme l'a dit Geoffroy, c'est extrêmement complexe en fait de dater l'art rupestre. C'est même au cœur en fait du projet de recherche que nous conduisons là-bas. C'est compliqué parce que les moyens de dater directement les peintures sont limités. Pour l'instant, elles sont impossibles. D'ailleurs, vu les types de matériaux qui ont été employés dans ces régions. Ce qu'on estime, a priori, c'est qu'on se situe pour ce massif-là entre 12 000 et 2000 ans, en sachant que 12 000, 2000 ans, ça a l'air vieux. Ça l'est pas tant que ça. Ça l'est pas tant que ça quand on compare par rapport à Chauvet, notamment, que vous avez cité. Donc, à l'Europe paléolithique, on est sur des dates de 38 000, 40 000 à peu près. Donc, on est beaucoup plus ancien. Et puis, surtout, dans le contexte régional, au sens très large du terme, de l'Afrique australe, cette apparition de la rupestre serait relativement récent, puisque les plus anciens objets qui portent pas de l'imagerie, mais en tout cas des marques graphiques qui sont géométriques, sont retrouvés dans des niveaux archéologiques autour de 100 000 ans en Afrique du Sud. Donc vous voyez qu'entre 100 000 ans et 12 000 ans, il y a quand même un fossé chronologique. Un écart considérable. Et puis, pour la géographie, c'est également la même question. Pour ces monts Matobo, donc nous sommes à l'ouest du Zimbabwe, ce n'est pas un site précis, très localisé, comme une grotte, tout simplement. C'est une étendue assez vaste. C'est plus de 3000 km², oui, effectivement. Et à l'intérieur de ces 3000 km², alors l'inventaire est loin d'être terminé, vous vous doutez bien, mais l'inventaire actuel, donc qui a été réalisé dans les années 80, en particulier par Nick Walker, fait état d'au moins 3000 sites d'art rupestre. C'est énorme, hein, 3000 sites d'art rupestre. Et sur ces sites, évidemment, j'imagine qu'il y a une grande variété de représentations. Que voit-on? Nous avons, évidemment, nous sommes à la radio, des images mentales qui se projettent. Alors, nous pensons souvent à ce que nous connaissons par rapport aux exemples européens. Corrigez-nous, Camille Bourdier, que voit-on là-bas? Eh ben, on voit des choses assez différentes, justement, de ce que l'on a chez nous. C'est ça qui est très intéressant. Je vais vous expliquer dans quelques instants, mais ce qui est très intéressant, c'est que généralement, on a l'habitude de, nous autres Européens occidentaux, on va dire, de classifier les populations par rapport à leur mode d'acquisition alimentaire. On a les chasseurs-collecteurs, on a les éleveurs, les agriculteurs, on a les chasseurs de supermarchés comme nous actuellement. Et en fait, on se rend compte que les populations de chasseurs-collecteurs à l'échelle du globe, elles ont produit une imagerie qui est extrêmement diverse selon les temps et selon les régions. Donc par exemple, en Afrique australe, ce qui a été et de loin le plus représenté, ce sont les humains, qui sont au contraire très rares chez nous dans le paléolithique européen. Donc beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, adultes, très stéréotypés. Il n'y a pas d'individu. On n'individualise pas en fait. La représentation, c'est une image donc très, très anonymisée, très stéréotypée. On sent que c'est plutôt le collectif et des images mentales associés à l'homme d'un côté, à la femme de l'autre, qui sont portés sur ses parois. Et puis associés à cette nuée de personnages humains, de très nombreux animaux. Et là, par contre, il y a un lien assez intéressant qui peut être fait avec le paléolithique européen. C'est que ces animaux, comme dans le paléolithique européen, ne sont pas une représentation fidèle et exhaustive de l'environnement. Tout comme ils ne sont pas une représentation fidèle et exhaustive du tableau de chasse, loin de là, il y a vraiment eu un choix très particulier qui a été porté sur les grands mammifères terrestres. Donc là-bas, on va trouver principalement la grande famille des antilopes, et puis associé à ces antilopes, des éléphants, des girafes, beaucoup de girafes dans les Matobo, des zèbres, et puis à côté de ça, quelques insectes, notamment des termites volants, un petit peu de serpents, un petit peu de poissons, quelques oiseaux, et puis ça s'arrêtera là, quoi. Beaucoup d'humains représentés, contrairement à ce que nous connaissons en Europe, où ce sont les animaux qui dominent. Et puis avec aussi une différence chronologique. Camille Bourdier, c'est vrai que nos grottes à nous semblent closes à un moment donné, redécouvertes tardivement, comme figées. Là, pour les exemples africains, il y a une longue continuité. Alors, d'occupation des sites, évidemment, ce n'est pas une suite continue de représentations graphiques, mais il y a des occupations constantes. Alors, constante, ponctuelle à travers les millénaires. Par exemple, nous, le site sur lequel nous travaillons, on a des niveaux d'occupation de qui seraient en lien avec la paroi ornée, puisqu'on en a des plus anciens que ça, mais on a des niveaux d'occupation qui s'échelonnent entre 12 000 et 2 000 ans approximativement. Alors, c'est pas du tout continu, mais on a comme ça des moments d'occupation plus importantes, de réinvestissement en tout cas de ces sites-là, avec donc tout un palimpseste en fait de décors pariétaux, donc de peintures rupestres qui se superposent, qui se chevauchent les unes aux autres et que l'on essaye de démêler. Et ensuite, il y a aussi, donc, pour rebondir sur les propos de Geoffroy, toute l'appropriation de ces sites au cours des millénaires, ou plutôt des siècles qui ont suivi l'abandon de ce massif par les populations de chasseurs-collecteurs, donc qui s'en vont il y a environ 2000 ans, qui sont remplacés par de nouvelles populations d'agriculteurs et d'éleveurs qui pratiquent une autre imagerie, mais qui manifestement ont connu une partie de ces sites, puisqu'ils ont réalisé leur imagerie à l'intérieur de ces sites, mais tout en conservant, en préservant en tout cas l'imagerie précédente. Et puis les populations actuelles qui vivent toujours au sein de ce massif, qui également prennent toujours grand soin de ces sites, qui pour une partie d'entre eux sont considérés comme des sites sacrés. Des sites sacrés, des sites en tout cas impressionnants. Le patrimoine est là sous nos yeux en Afrique, l'art rupestre avec toutes ses représentations, avec cette question aussi, mais que peindre ? Attendez, chef ! Chef ! Alors voilà, j'ai pensé à quelque chose, vous savez, on chasse toujours que des lapins. Eh oui, bah, c'est que c'est bon ça, les lapins. Oui, mais est-ce qu'on pourrait pas essayer, je sais pas, de chasser quelque chose de plus gros ? Plus gros ? Tu veux dire un lièvre ? Non, je parle d'un buffle ou bien d'un mammouth. Tu voudrais qu'on aille chasser un monstre de 5 tonnes qui vous écrase les os comme des brindilles ? Oui, on peut essayer. Chef, je suis sûr qu'on pourrait en attraper un, chef. Et Doug, regarde ce que faisaient nos ancêtres. Est-ce que tu les vois courir après des grosses proies ? Eh non, ils chassaient des petits animaux tout ronds. Qui ressemblent à je sais pas quoi. C'est vrai, je me suis toujours demandé ce que ça pouvait être. Aucune idée. Sûrement qu'ils savaient pas dessiner les lapins. Des petits animaux tout ronds, parce qu'ils ne savaient peut-être pas dessiner les lapins dans le film d'animation Cro-Man de Nick Park. Geoffroy Emlich, vous évoquiez justement ces figurations abstraites. Alors, quel est d'un seul coup, quand le chercheur arrive face à ces mondes très particuliers, les éléments possibles d'explication ? Comment se passe une réflexion autour d'une paroi abstraite ? C'est assez particulier. Parce que déjà on parlait des notions de temps avec Camille et j'ai ce souvenir de cette grotte ornée, enfin c'est une grotte spectaculaire, il faut escalader un massif et c'est une grotte qui coupe le massif de part en part et on est dans l'obscurité la plus totale et on se retrouve face à ces dessins qui sont des dessins noirs, assez géométriques, abstraits, etc. Donc déjà, la première réaction qu'on a, c'est de se dire, ben, ça doit être fait d'un bloc, de tous du même époque. Et pour ceci, du coup, comme ça a été, ces dessins ont été réalisés avec du charbon de bois, on a pu les dater directement. Et on se rend compte finalement, quoi, déjà, que dans les techniques de fabrication de la matière picturale, la manière dont ils ont fait les choses, ils ont pu par exemple utiliser un charbon comme un fusain, ou ils ont pu gratter d'abord le charbon et le mettre avec le doigt. Dans certains dessins, ils ont repassé avec une couche de résine. Donc on voit déjà qu'il y a toute une... c'est plus complexe que ça a l'air de prime abord. Et on se rend compte avec ces datations, finalement, qu'on a la plus ancienne qui date du 7e siècle, après notre ère, et la plus récente du 18e siècle. Donc ça s'échelonne sur le temps, et c'est déjà ça ouvre et ça apporte déjà à la réflexion quelque chose d'assez fascinant. Et dans le cas de l'OVO aussi, c'est un cas particulier parce qu'on est au cœur d'un ancien royaume africain, le royaume de Congo. Donc pour ce royaume qui, on a des sources incroyables. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on a des sources à la fois des Européens de l'époque, avec des missionnaires, des ambassadeurs, des commerçants, qui ont rédigé des comptes rendus et qui donnent finalement une description de la vie quotidienne et aussi religieuse du royaume. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on a aussi des témoignages des Congos eux-mêmes, avec des correspondances réalisées par les rois du Congo, avec les grands monarques européens de l'époque. On a des éléments par rapport aux traditions historiques, etc. Donc, c'est tous ces éléments couplés qui permettent un peu d'affiner les hypothèses de travail et arriver vers une interprétation. Avec Camille Bourdier, nous nous trouvions au Zimbabwe. Avec vous, Geoffroy Emlich, nous sommes donc ce royaume Congo avec un K, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est quel environnement, en fait, là où vous travaillez? C'est un site aussi fascinant. Il est situé à l'ouest de Kinshasa, donc en République démocratique du Congo, et un peu pris en sandwich entre le Congo-Brazzaville au nord et l'Angola au sud. Et le massif de Louvo, en fait, se trouve vraiment à la frontière avec l'Angola. Mais il faut savoir donc que par rapport à ce royaume de Congo, donc on avait une capitale, Mbandaka-Congo, avec des capitales provinciales, avec tout un réseau de circulation, de communication. Donc c'était vraiment un royaume extrêmement organisé, centralisé, etc. Et à vol d'oiseau, on doit être à 60 km de Louvo et de Mbandaka-Congo. Et pour Louvo, c'est un paysage magique, quoi, parce qu'on est face à... C'est plus petit que les Matobo, donc là on est sur 400 km², mais on y trouve des centaines de massifs calcaires qui sont percés de grottes, d'abris sous roches et qui sont ornés de plusieurs milliers de peintures et de gravures rupestres. Et donc là aussi c'est toute une galaxie de motifs qu'on a au-dessus de nos têtes et qui est fascinante à explorer, quoi. Depuis quand cet art rupestre dans ce massif est connu? Il est connu depuis, je dirais, les années 50. Donc à l'époque coloniale, il y avait notamment un missionnaire qui s'est intéressé à l'histoire des clans et qui partait à la recherche aussi d'anciens missionnaires qui de l'époque du royaume de Congo justement. Et les habitants l'ont conduit directement sur un site d'art rupestre. Et donc c'est comme ça que tout a commencé. Parce que la période coloniale est intéressante dans le cours de l'histoire. Aujourd'hui, nous avons fait des comparaisons avec ce que nous connaissons. Évidemment, parce que c'est la démarche intellectuelle d'essayer de s'appuyer sur ce que nous connaissons. Et aux temps coloniaux, évidemment, c'était la même démarche. Nous ne partons pas au Congo, nous partons au Kenya. Le Kenya, où là aussi, réflexion sur l'apparition de l'art. La moderne cité de Nerolin cache des reliques vieilles de centaines de siècles. À Morgezaï, des ustensiles datant du vieil âge de pierre gisent en grand nombre à la surface du sol. Les hommes firent ces outils dans leurs premiers efforts pour s'élever au-dessus du niveau des bêtes sauvages. C'était l'âge de pierre africain. Les hommes étaient chasseurs, ils s'abritaient dans des cavernes. Et aujourd'hui, un point est acquis. L'homme artiste est aussi vieux que l'homme artisan. La preuve, regardez. L'émission Voyage sans passeport en 1958 qui s'intéresse au Turkana, donc un peuple d'Afrique de l'Est. Et dans ce que vous étudiez, Geoffroy Emlich, nous avons toute cette réflexion aussi du regard autre. C'est très intéressant, nous l'avons mis sur le site du cours de l'histoire, une des photographies que vous avez pu prendre cet art rupestre qui nous interpelle dans le massif du Louvo, parce que les datations nous conduisent au 14e, 15e, 16e, 17e siècle de notre ère. Comment cet art a-t-il été perçu, avec toujours, en période coloniale, un regard très particulier, comme une continuité, comme des peuples qui... en partie, sont demeurés dans la préhistoire? Oui. Après, à l'époque coloniale, c'est vrai qu'après on avait une vision très évolutionniste, enfin c'est ce dont parlait aussi Camille juste avant, et avec les bandes de chasseurs comme une sorte de premier stade, et puis après pour arriver jusqu'à les métallurgistes, etc., dans une sorte d'évolution linéaire, mais on se rend compte que ça, voilà, c'est beaucoup plus complexe, c'est une mosaïque de populations, de manières de vivre, etc., qui ont cohabité. Et c'est ça qui est passionnant, hein, c'est que cet art remet en cause les process de civilisation tels que l'Europe a voulu les appliquer sur l'ensemble du monde. Et justement, dans cette découverte de cet art du massif de Lovaux, Geoffroy Emlich, il y a quelque chose qui touche à l'aventure. Nous le voyons bien, cet art, vous nous l'avez dit, pour atteindre certains sites, il faut faire preuve d'un esprit aventurier. Après, pour moi, c'est une longue histoire. Maintenant, c'est un projet qui a débuté en 2007, donc c'est presque 15 ans. Et c'est voilà une recherche qui m'a touché au cœur, parce que finalement, déjà avec les collègues congolais, c'est quelque chose. On a toujours travaillé main dans la main. On a construit le projet ensemble. Il a grandi ensemble. Et c'est grâce aux habitants, aux villageois, enfin dans les villages, qui nous ont accueillis toutes ces années. Et donc du coup, c'est comme une seconde famille. On peut me prendre comme un neveu, comme un frère, etc. Et c'est une aventure humaine. Enfin, c'est quelque chose qui est très fort, oui. Aventure humaine. Et puis justement, dans cet échange avec les populations, il y a aussi l'information à en tirer. Est-ce que la mémoire de ces sites est restée? Est-ce que c'est une évidence quand vous arrivez quelque part et vous demandez « Mais connaissez-vous des peintures rupestres ?» On vous dit « Oui, venez par là, on va vous montrer. » Non, pas du tout. Et ça met des années, en fait, parce qu'il y a tout un rituel dans la coutume, en fait. On a d'abord les palabres où on se présente. Donc, les palabres, ça peut durer plusieurs heures, comme ça peut durer plusieurs jours aussi, en fonction de ce qu'on demande. Et après, il y a toute une période aussi d'observation, c'est-à-dire que c'est comme si un ami congolais allait en France chercher dans les endroits les plus profonds un endroit qui est sacré. Et donc, pour eux, c'est pareil. Donc, il y a une période d'observation où on prend confiance, on apprend à se connaître. Et c'est une parole qui est secrète aussi. C'est une parole d'initié. Donc, c'est pas tout le monde qui connaît non plus. Généralement, c'est plus les chefs coutumiers qui sont vraiment dépositaires de savoir-là. J'ai rencontré des chefs qui étaient quasi centenaires et qui avaient une connaissance phénoménale et qui, avec leur tradition, c'est tout le paysage finalement qui s'animait, quoi. On le voit complètement différemment. Donc c'est ce côté-là qui est aussi fascinant dans cette recherche. Est-ce que ces sites sont encore utilisés, notamment pour des rites d'initiation, ou est-ce que simplement ils sont là comme une mémoire collective de ceux qui habitent encore autour ou dans le massif de Lovaux? Ils sont toujours utilisés pour des cérémonies, des rituels, mais on est aujourd'hui vraiment à un croisement entre cette ancienne génération de Mbutazi Bantu, c'est les honorables en Kikongo, qui sont vraiment dépositaires de cette connaissance, qui savent beaucoup de choses et qui sont en train de partir, parce que j'ai rencontré des chefs coutumiers qui étaient nés dans les années 20 et la nouvelle génération qui parle plus facilement Lingala, donc c'est la langue qu'on parle dans tout le Congo, qui est plus attirée aussi par Kinshasa, etc., et qui voit parfois d'un mauvais œil finalement, parce qu'il y a aussi parfois une incompréhension. On pense que c'est plus lié à de la kindoki, de la sorcellerie, etc., alors que c'est vraiment des cérémonies qui sont réalisées pour le bien du village. Par exemple, si les récoltes sont mauvaises ou s'il y a des malades au village, on fait des cérémonies auprès des ancêtres qu'on appelle les Bankulu, auprès des esprits de la nature qu'on appelle les Bisimbi, pour essayer de restaurer une sorte d'équilibre. Restaurer cette sorte d'équilibre avec la rupestre en Afrique. Et en cela, très intéressant, puisque nous sentons bien que nous sommes loin, bien loin, du temps des chasseurs-cueilleurs. France Culture. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Je me suis blessé au boulot, à la tuile. C'est quoi ton job? Moi, je suis dans le butage de mammouth, antilope, gazelle. Bah ouais, t'es chasseur, quoi. Ouais, c'est ça, je suis chasseur, enfin, j'étais chasseur, avec le bras en sucette, c'est mort. Le cours de l'histoire. Ah ouais, dur. Bah ouais, c'est dur. Avec les glaciations qui se pointent, sans les peaux de bête, on est cuit. Jacqueline fait déjà la gueule. Ah ouais, je te sens dépité, là. Quelle année de merde, je te jure. Xavier Mauduit. Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Milena Hellig, avec aujourd'hui à la technique Audrey Gellig. Le cours de l'histoire, il était une fouille, l'Afrique et l'art. L'art rupestre, Camille Bourdier. Nous entendions là Geoffroy Emlich qui nous disait que, eh bien, cette aventure d'étude de l'art rupestre n'est pas une aventure solitaire. Nous sentons qu'il y a quelque chose lié, alors, à de l'humain, extrêmement humain, et à des projets. Vous, c'est également le cas, hein, dans ce que vous étudiez aussi. Zimbabwe, il y a des grands projets avec beaucoup de gens. Oui, je fais complètement mien les mots de Geoffroy. Effectivement, on est avant tout dans une aventure humaine au sein de l'équipe scientifique, bien évidemment, puisque l'archéologie, tout le monde le sait, enfin j'espère, c'est une entreprise qui est pluri-inter-transdisciplinaire. Je ne sais plus quel est le mot à la mode en ce moment, mais l'idée, c'est que des spécialistes communiquent et travaillent et collaborent ensemble. Au sein de cette équipe scientifique, comme dans le cas de Geoffroy, nous sommes à peu près moitié d'Européens et moitié d'Africains, notamment beaucoup de Zimbabwéens. Il y a énormément d'étudiants qui sont associés à ce projet, puisque l'un des fondements en fait de la philosophie de ce projet, c'est surtout de contribuer à former une génération d'archéologues préhistoriens dans les grandes spécialités que pourrait compter l'archéologie du Zimbabwe, puisqu'il y a effectivement très peu d'archéologues préhistoriens en poste au Zimbabwe, et que donc il y a peu de possibilités de formation pour les étudiants de la University of Zimbabwe. Donc l'idée, c'est vraiment de contribuer à former toute une nouvelle génération d'archéologues pour que aussi les Zimbabwéens puissent prendre en main leur recherche archéologique, et que cette collaboration, si elle doit se faire et si elle doit se perpétuer avec l'Europe et en l'occurrence avec la France, qu'elle soit parfaitement choisie, je vais dire ça comme ça. Et puis en dehors de cet aspect de formation académique universitaire, il y a aussi bien évidemment tout le rapport, enfin qui pour moi est d'ailleurs peut-être la chose la plus précieuse au sein de ce programme, tout le rapport aux populations locales, donc au temps passé avec ces personnes, avec les villageois, chez eux. Comme le disait Geoffroy, ça prend du temps, et moi je trouve ça absolument merveilleux. Alors c'est vrai que ça va un petit peu à l'encontre de la philosophie de la recherche actuelle, telle qu'on nous demande de la mener. Mais moi je trouve ça, outre la rencontre humaine qui se fait à ce moment-là, je trouve ça très sain en fait que ces personnes ne nous disent pas tout comme ça, mais qu'elle attende de nous qu'on prenne le temps de les écouter, qu'on prenne le temps d'apprendre à parler un petit peu, plus ou moins, leur langue. Je pense que c'est beaucoup de respect. Et puis aussi ce temps de découverte avec ces populations, moi, dans mon cas en tout cas, m'a permis de modifier un petit peu, voire beaucoup d'ailleurs, je crois, la manière dont j'approche mon objet d'étude, qui est l'archéologie, qui fait partie vraiment de la vie, qui est inscrit dans le vivant de ces populations. Et moi, je trouve ça extrêmement stimulant et enrichissant de se confronter à un autre point de vue, à une autre réalité sur ce que nous appelons le patrimoine. Camille Bourdier, vous travaillez sur ces monts Matobo, donc au Zimbabwe. Vous, Geoffroy Emlich, vous travaillez en République démocratique du Congo. Ce ne sont pas les mêmes périodes d'ailleurs, bien sûr, mais dans le cours de l'histoire, nous sommes contents de cette conversation parce que les problématiques sont les mêmes. Tout ce que vient de dire Camille Bourdier sur l'importance de donner aux populations locales le savoir qui vont permettre de préserver ces sites. Et puis, mais même de manière plus concrète, Geoffroy Emlich, inventorier ces sites déjà, c'est un travail qui est gigantesque. Effectivement, et c'est le premier travail à faire finalement. Et on se rend compte par l'ouvrage qu'on a coécrit donc avec Camille et une vingtaine d'autres chercheurs à la fois africains et français, on s'est rendu compte que pour les sites qui avaient été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc il y en a 11 en Afrique, il me semble, finalement on n'avait pas d'inventaire à proprement parler. Par exemple, les Matobo, le site sur lequel travaillent Camille et son équipe, finalement, ils sont en train de faire cet inventaire-là. Et donc, c'est vraiment la base de notre recherche. Et là, finalement, on arrive à un bon moment dans le sens où il y a beaucoup de nouvelles technologies qui sont développées et qui nous permettent à peu de frais, avec les outils informatiques, numériques, justement de pallier à tout ça. Cet ouvrage, Art rupestre et patrimoine mondial en Afrique subsaharienne aux éditions Hémisphère. Et puis Geoffroy Emlich, vous publiez aussi le massif de Lovo sur les traces du royaume de Congo. Et bien justement, ces nouvelles techniques sont formidables pour étudier l'ensemble. Alors, mais des techniques que l'on connaît depuis longtemps, mais aujourd'hui avec une très haute qualité. La photographie, bien sûr. Oui. Et puis après, donc, c'est... Là, je reviens juste du Congo et ça sort un peu du cadre de l'art rupestre. Mais c'est vrai que non, ça fait maintenant depuis plus de 10 ans qu'on étudie ces peintures et on avait envie de sortir des grottes aussi. Et se dire, mince alors, on est quand même face à un paysage incroyable. Et voilà, on a envie de comprendre comment ce paysage s'organise. Et justement, pour rebondir avec ces nouvelles technologies, on a utilisé une technique qui s'appelle la photogrammétrie. Et on a eu cette chance, là, il y a quelques semaines, de faire survoler un avion sur toute l'étendue du massif de Lovo, donc ce qui représente 400 km². Donc on était vraiment tout fou. on rêvait de ça et puis on a réussi à le faire, donc on est très contents. Et l'idée, finalement, de la photogrammétrie, c'est un peu comme la technique du LIDAR, c'est-à-dire que ça permet de photographier le massif, l'entièreté du massif, d'avoir déjà une modélisation 3D des massifs et puis après de faire apparaître un peu comme par magie toutes les anomalies qui sont autant de sites archéologiques potentiels et dans l'idée finalement de comprendre comment s'organise ce paysage et puis de voir comment ça les autres sites s'articulent justement avec les sites d'art rupestre. Et avec la nécessité de ce travail pour protéger ces sites, parce que il faut le dire, ces sites sont menacés, mais comme tous les sites archéologiques, c'était des endroits qui sont fragiles en soi dès qu'ils sont découverts. Voilà. Et dans le cas de Lovo, c'est une situation assez compliquée parce que pour les Matobo, par exemple, le site est déjà classé sur la liste du patrimoine mondial, mais pour Lovo, pas du tout. Donc, c'est une démarche vraiment qui est faite par les autorités, les collègues congolais. Et parce qu'on est face aussi à ce danger que, finalement, tous ces massifs, ça attire. Et pas seulement dans l'idée de valoriser le patrimoine, mais aussi des industriels, de pouvoir extraire du calcaire, etc. Donc, on est finalement là aussi à un croisement où on a cette possibilité justement de pouvoir mener ce projet pour proposer ce site sur la liste du patrimoine mondial et pour pouvoir justement le protéger. Camille Bourdier, justement, l'UNESCO, rôle essentiel dans cette histoire. C'est très important aussi de protéger ces sites grâce à l'UNESCO. Oui, bien sûr, l'UNESCO a un rôle absolument prégnant et premier, notamment dans les pays qui manquent de moyens, en particulier économiques, à donner à la conservation du patrimoine. Mais après, c'est vrai que à côté de ce classement UNESCO qui, à nouveau, est absolument essentiel et en plus offre une visibilité, notamment pour la manne touristique, on va dire ça comme ça. Il y a aussi tout un enjeu absolument fondamental à travailler avec les populations locales et à faire donc toute cette dimension de transmission du savoir aux populations locales, ce qu'on appelle l'éveil des consciences, puisqu'en fait, ce sont ces populations locales qui de fait, sont aux commandes de la conservation au quotidien de ces sites. Vous imaginez, plus de 3000 sites sur 3000 km². C'est le cas dans les monts Matobo, c'est le cas en fait à peu près partout. Au Zimbabwe, il y a des sites d'art rupestre par milliers partout dans le pays. Donc ces populations locales, ce sont elles, les gardiennes de ces sites, pas seulement pour elles-mêmes, mais comme leur nom l'indique, pour le bien de l'humanité tout entière. Et c'est vrai que une partie de ces populations, malheureusement, ne sont pas au courant de ce qui doit être fait ou de ce qui doit être évité, justement, assez simplement d'ailleurs, comme action, pour contribuer à préserver ces peintures pour les populations futures. Conserver ces peintures pour les populations futures, et vous l'avez bien dit Camille Bourdier, pour l'humanité. Hein, ce patrimoine de l'humanité, riche encore de découvertes à venir, Geoffroy Emlich. Vous allez bientôt repartir, j'imagine, au Congo. Il y a comme une impatience d'y retourner. Oui, bien sûr. Après, c'est toujours beaucoup d'émotions. Mais c'est vrai que là, du coup, avec la mission qu'on a faite, et on a quand même 20 000 photos à traiter. Donc ça, c'est les collègues de Lyon et de l'Université libre de Bruxelles qui s'en occupent. Et à partir de là, donc, on pourra repartir. J'espère pour la prochaine grande saison sèche, donc aux alentours de d'août, septembre. Et pour plein de nouvelles découvertes. De nouvelles découvertes. Et vous avez raison de souligner le traitement nécessaire, parce que le moment de la découverte apparaît parfois dans l'actualité. La découverte, ça plaît, ça fait des gros titres. Ensuite, il y a tout le travail de terrain, mais surtout ce travail qui vient après. Le moment de l'exploration dans le site de Lovo, c'est un temps, mais il est peut-être court par rapport au temps gigantesque du traitement des données. Effectivement, après, c'est un temps où beaucoup de choses se jouent, mais après, il y a ce travail de retour au laboratoire, d'analyse des données, de traitement des données. Enfin, par exemple, là, on travaille aussi avec un autre laboratoire sur les datations de calcite qui recouvrait les peintures. Donc, tout ça, c'est un long processus qui met beaucoup de temps. Mais après, bon, ça fait partie de la recherche. Ça fait partie de la recherche et ça fait partie de cet aspect passionnant de ce sujet que vous portez l'un et l'autre. Camille Bourdier, Geoffroy Emlich, merci vivement de nous avoir présenté cet art rupestre africain. En tout cas, les enjeux qu'il porte. Merci beaucoup. Et puis je rappelle, art rupestre et patrimoine mondial en Afrique subsaharienne. Et pour le moment, dans le cours de l'histoire, nous retrouvons Anaïs Kien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors Anaïs, aujourd'hui vous nous parlez d'images. D'après les chiffres d'audience connus des chaînes de télé et des plateformes, de la vidéo à la demande et des libraires, des images, on en a consommé énormément ces derniers mois, peut-être jusqu'à la nausée. Alors que nous avons été des dévoreurs d'images au sens figuré au cours de ces derniers mois sans extérieur, Jérémy Koering, dans son ouvrage « Les iconophages », nous apprend que par le passé, on mangeait parfois des images au sens propre du terme. On les ingérait, les digérait, pour se les approprier, pour en profiter pleinement, une fringale d'images dans la plus grande intimité de son être. Un rapport un peu différent d'une autre aux images. Ingérer des images, c'est en profiter avec les dents plutôt qu'avec les yeux. Dans l'Égypte pharaonique de l'époque ptolémaïque, on mange des images pour s'approprier leur magie. Les peintures corporelles sont léchées, difficile de comprendre aujourd'hui avec précision ce qu'on attendait alors de ce rituel. S'il s'agissait de la main d'un mort ou d'un vivant, dans ce cas-là, l'image est mise en mouvement par le corps où elle se trouve. L'image devient vivante et d'autant plus puissante, peut-être. Plus tard dans le monde chrétien, ce sont les saints que l'on dévore. Les pèlerins établissent un lien entre le terrestre et le céleste en consommant des jetons de Saint Siméon, rapportés de Syrie entre les 6e et 8e siècles. Ils sont ronds et gravés, fabriqués à partir d'un ingrédient unique, la terre du monastère, réputée pour avoir été foulée par le saint lui-même. Ils sont surtout considérés comme guérisseurs. On les ingère dissous dans l'eau pour profiter de leurs bienfaits supposés. L'image soigne, en tout cas on y croit durablement, puisqu'au XVe siècle, on consomme des figures saintes sous la forme de petites estampes, à l'effigie de Marie pour la fertilité, ou encore de Bruno qui éloigne la peste. Les images réparent, mais elles tiennent aussi à distance les coups du sort et les fléaux du temps. Probablement plus agréable, on produit aussi des images vraiment comestibles. En Italie, du XVe siècle au XVIIIe siècle, on cuisine des gaufres porteuses de blasons, de symboles familiaux. La pratique est prestigieuse, une version profane de l'hostie chrétienne que l'on consomme lors de grandes occasions, comme lors d'un mariage. Chaque famille, désormais liée, est représentée sur une face du gâteau pour célébrer non pas l'union de deux individus, mais de leur lignée. Une union qui se tisse par le ventre de toutes les forces en présence. On mange des images pour s'impliquer dans une communauté. Encore récemment, l'ingestion d'images a pu servir à consolider des communautés politiques aussi, de manière symbolique. En 1971, le collectif House Rucker & Co. met en œuvre son projet Food City One à Minneapolis pour attirer l'attention sur la dégradation de la ville et la nécessité d'y remédier dans une campagne citoyenne. Les habitants sont invités à prendre part à cette reconstruction lors d'un banquet un peu particulier. Des architectures comestibles faites de pain, de beurre, de concombre et de jambon leur sont proposées à la dégustation dans une communion citoyenne d'intérêt pour les affaires publiques de leur ville. La citoyenneté se vit collectivement et par le ventre, encore une fois. Petit tour en kiosque dans le cours de l'histoire. Bonjour Valérie Hanin. Bonjour Xavier. Directrice de rédaction du magazine L'Histoire. Mais dites-moi Valérie, qui est ce monsieur barbu étonnamment habillé en couverture de l'Histoire? Il vous fait peur, hein, il fait peur. C'est Alexis Mirailovitch, c'est un des premiers Romanov, le père de Pierre le Grand. Et nous avons en effet décidé de consacrer ce numéro spécial de l'été à l'Empire russe. Les Russes et leur empire. Les Russes, celui-là le symbolise. Alors quelle est l'approche adopté par l'Histoire, parce que les Russes et leur empire, le sujet est vaste, il est passionnant tant il est prégnant dans l'actualité. Et oui, on est en effet un peu parti de l'actualité, enfin de l'actualité poutinienne, de cette actualité un peu post-impériale. Hein. Poutine avait beaucoup surpris en 2005 dans un discours en disant que la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, c'était la chute de l'Union soviétique. Alors, c'est évidemment pas l'éloge du régime communiste, mais c'était bien la marque que la Russie, déshabillé de toutes les autres républiques du RSS, n'est pas grand-chose sans l'Empire. Et en effet, la Russie, c'est d'abord un empire. Avant d'être une nation, elle n'a jamais été une nation. C'est un triple héritage impérial. Alors, c'est ce qu'on a voulu montrer dans ce numéro. On plonge assez loin l'héritage de la Rousse de Kiev, les Scandinaves qui sont baptisés et qui installent autour de l'an 1000 un empire dans l'Ukraine actuelle. Et puis ensuite, il y a l'héritage tatar, l'héritage mongol. Alors évidemment, les historiens russes ont dit c'est le joug tatar, mais les tatars ont fait la fortune des Russes, puisqu'ils en ont fait leur intermédiaire. Et ces Russes ont assuré leur domination sur toute la région. Et puis ce qu'on a montré aussi, c'est qu'il y a un troisième héritage, c'est l'héritage de Byzance. En 1453, les Turcs prennent Constantinople et Moscou va devenir la troisième Rome. Et le prince de Moscou va devenir César, c'est-à-dire tsar. Et l'histoire d'Alexis, enfin, et des autres peut commencer, enfin, avant Alexis, Ivan le Terrible. Et cette construction absolument incroyable d'un empire, vous parliez tout à l'heure de 3000 km², mais l'empire de Pierre le Grand, c'est presque 2 millions, 1 million 8 km². C'est 36 fois la France, enfin, c'est considérable. Et on a des surprises en voyant cette construction de l'Empire russe, parce que la première surprise, je crois pour nous ça a été aussi le cas, c'est de comprendre que l'Est c'est d'abord une marche vers l'Est, et qu'on est arrivé au Pacifique au milieu du XVIIe siècle, hein, peut-être un peu avant Louis XIV, si on veut, bien avant de conquérir l'Ouest ou de se tourner vers l'Europe. L'Empire russe, c'est d'abord un empire asiatique. Et on le retrouve aussi dans l'actualité. Et d'ailleurs, Valérie Hanin, à ce moment-là, au moment de concevoir ce dossier, les Russes et leur empire pour l'histoire, vous vous dites, l'Est, l'Ouest, génial, nous allons encore pouvoir faire des cartes. Parce que ça, c'est la marque de fabrique de l'histoire. Non, mais c'est passionnant. Lire l'histoire à travers les cartes, et là encore, hein, vous avez pu réaliser des cartes sublimes. Il y en a beaucoup. Beaucoup de cartes sublimes. Et puis, toujours cette réflexion sur l'Empire, mais à travers la notion de dossier. C'est-à-dire qu'encore une fois, vous demandez à des spécialistes d'étudier les différents aspects d'un sujet. Absolument, absolument. Là, ce sont vraiment des historiens spécialistes, aussi bien Pierre Gonod sur la Russie ancienne, bien sûr Marie-Carine Chaub sur toute cette histoire des Romanov, la construction, Pierre le Grand, Marie-Pierre Rey qui nous parle du 19e siècle et de cet empire qui a commencé à faire peur aux Européens. Hein, l'empire qui s'était tourné vers l'Europe. Et depuis Pierre le Grand, Catherine la Grande, on impressionne l'Europe et on veut se hisser au rang des grands souverains européens. Et le marquis de Ségur, hein, qui emmène le père de la comtesse de Ségur, de notre Sophie Rostopchine, eh bien, le marquis de Ségur est impressionné par Catherine et il dit c'est la moderne Sémiramis. Et donc, là, on a vraiment le... Oui, on voit ça dans les cartes, hein, comment ça progresse vers l'Ouest, vers l'Europe, et puis, avec Catherine, vers la Crimée, car la Crimée... On le sait, en 2014, l'annexion de la Crimée a été un coup géopolitique, évidemment, tonitruant pour Poutine et franchement pas encore vraiment réglé. Mais la Crimée, c'est le rêve grec de Catherine II. Le rêve grec de Catherine II, et puis ce rêve en fait très ancien, Valérie Hanin, c'est, pour avoir lu ce numéro, c'est ça qui m'a surtout marqué, c'est la compréhension de l'actualité. Vous l'avez dit pour commencer, cette idée poutinienne d'un empire se retrouve eh bien, à travers les siècles de l'histoire de la Russie. Oui, c'est ça, c'est vraiment une histoire impériale, une histoire de relations. Ce qu'il y a aussi dans l'Empire, c'est évidemment ce rapport très complexe, qui n'est pas du tout le nôtre, pas celui d'une nation, entre le centre, le Kremlin, disons, à partir des tsars, et les périphéries. Cette façon d'associer les élites, alors ça c'est très impérial évidemment, mais ça dure sur le long terme. Et évidemment, Sabine Dulin, Nicolas Vert, nous montre aussi dans ce numéro comment il y a une association, enfin un jeu constant d'association et de répression, bien sûr. Hein, association, répression, des élites locales, la présence de l'islam. L'islam étant dans l'Empire russe depuis le XVIe siècle. Voilà, numéro passionnant, mais merci. Nous entendons aussi votre passion d'avoir pu constituer les Russes et leur empire. Donc c'est l'histoire, numéro double à retrouver en kiosque. Donc pour tout l'été, voilà, une belle lecture estivale, un petit tour en Russie. Merci beaucoup Valérie Hanin. Merci Xavier. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig avec la complicité pour cette émission de France Bleu Occitanie, une émission préparée par Marion Dupont, Toscan Viudès, Odile Jouessel, Juliette Corbel-Vivas, une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou, à écouter, podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, immense plaisir d'une déambulation historique avec l'historien Georges Vigarello.